l'épisode de 81. Eh ben, l'épisode de 81, il n'est pas question. Nous, on n'a pas du tout voté Mitterrand. Et on a refusé de voter Mitterrand. Sur la base, on connaît l'histoire de ce politicien. Les trotskistes, c'est nous faire croire qu'il y a un mouvement par la gauche. Quel mouvement? Comment on fera? Etc. Question qui était tout à fait légitime, parce qu'on a bien vu qu'après l'enthousiasme, les mouvements n'ont rien débordé par la gauche. Tu me dis que vous étiez peu nombreux. Oui. Et est-ce que le fait qu'il y ait un tel engouement pour la gauche dans ces années-là n'ont pas fait que vous étiez encore moins nombreux? En même temps, c'est aussi l'époque où on avait rencontré des gens qui, à Tours, on avait fait, qui cherchaient de l'aide, qui, justement, se souhaitaient trop isolés. Puis, comme un certain nombre de gens parmi nous avaient commencé à s'installer dans la vie, donc, notre truc était un peu éclaté aussi, c'était un peu différent, quoi. Et moi-même, après, j'ai quitté Poitiers. Donc, du coup, je me suis raccordé aux gens qui étaient sur Paris, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient installés à Paris. Enfin, dans la région parisienne. Et donc, du coup, après, moi, j'ai perdu un peu le contact parce que, d'une part, il y avait un reflux. Et puis, j'étais pas tout près d'une cellule. Mais en même temps, comme il y avait eu beaucoup de discussions internes, on peut pas dire que notre groupe était en très bon état. Mais par exemple, chaque fois que j'allais à Paris après, j'allais chez un ami qui maintenant est à la retraite dans le Jura, mais qui nous recevait, avec qui on est devenu vraiment amis et que j'ai été revoir il y a 2-3 ans. Quand il était à la retraite dans le Jura, en revenant de voir le berger, je suis passé le voir. Et on a discuté de toute cette période, mais pas seulement, enfin bref, comme des amis, quoi. Et lui, il connaissait l'histoire, il avait fait une mission d'histoire. Et ça a été un des premiers à nous tirer les oreilles sur, à nous porter notre attention sur le socialisme réel. Et du coup, un certain nombre de gens, après, le basculement s'est fait assez facilement. Parce qu'ils n'ont pas été étonnés de ce qu'ils ont appris. Parce qu'à l'époque, c'est comme si, un certain nombre de gens faisaient comme si on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir, mais c'est faux. Mais bon, en même temps, c'était aussi notre lutte à l'époque où on s'est différencié de tous les partis communistes, de l'URSS, etc. Et donc, pour nous, c'était des révisionnistes. Et c'est pour ça que la voie chinoise était privilégiée par rapport à la russe. Parce que les partis communistes étaient considérés comme des réformistes. C'était aussi cette ambiance-là. Hein. Et après, c'était l'Albanie, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Un jour, on s'est rendu compte qu'il avait publié le discours avant de le dire. Bon, tu me diras, c'est des trucs un peu bizarres, hein, des fois, mais c'est révélateur du fonctionnement, quand même. Discours devant le comité central, il est voté. Ah bon, tiens, il a déjà publié. Les arcanes de la prise de conscience sont parfois un peu louvoyants. Hein, c'est... T'évoques ton départ de Poitiers. Voilà. Et au niveau de ton engagement, ce départ... À l'époque, comme notre groupe déjà, c'était la fin des années 70, hein, donc c'était quand même beaucoup moins... On était quand même sur le repli. Hein. Bon, même si sur le moment, nous, on ne voyait pas comme ça. Hein, mais après coup, on a bien été obligé d'admettre que les choses avaient changé. Hein. 68 était loin. Parce que nous, c'est ça, hein, c'est qu'on a été porté par la vague 68. Et, comment dire ça, de reprendre la vraie lutte de classe, quoi. C'était ça, notre créneau. Et je me souviens très bien qu'il fallait se mettre sur la position de la classe ouvrière. Donc, il fallait abandonner son mode de vie petit bourgeois pour être un militant pur et dur. Ouais. Et à cette époque-là, tu changes d'organisation, donc? Non, je change pas. C'est-à-dire qu'après, je revois des gens qui sont à Paris. Non, je change d'organisation, l'organisation ne fonctionne plus, presque plus. Et puis, l'organisation que je rencontre après, c'est le GCR à Nantes, en 86. D'abord le Gazprom et le GCR après. Donc, en gros, entre 81 et 86. Il n'y a pas eu forcément. Si, j'ai été à des réunions, mais il n'y a pas eu. Moi, j'ai pas été complètement. En 86, c'est l'époque où. À l'époque, je suis arrivé à Nantes en août 85. J'ai cherché des gens pour atterrir une fois l'installation faite. J'ai renoué le contact avec des gens de Tours, d'un peu partout. Et une amie à Angers aussi. Donc au début, j'avais tendance à m'en aller de Nantes. Et puis après, j'ai rencontré des gens pour aller au Gazprom, quoi. J'ai commencé à y aller tous les 15 jours. Mais j'allais au permanent, j'allais aux réunions. J'avais toujours refusé d'être membre du CA, mais les gens comprenaient pas parce que j'allais à toutes les réunions. Mais moi, comme je pouvais pas aller faire tout ce qui était officiellement demandé pour quand on était au CA, j'avais pas voulu être élu. Voilà. C'est une question pour moi d'honnêteté. Puis de fil en aiguille, j'ai appris à comprendre le droit des étrangers, à faire des fiches et tout, parce que il y a eu la lutte du droit d'asile, qui était très importante. Donc c'était les années 90. J'ai été élu à la FASTI, au bureau national. Et c'est en plein dans la lutte des demandeurs d'asile. Et puis à un moment donné, j'ai dit, non, moi, ce que je fais là, ça va pas. Et j'ai voulu, d'abord, ma vie personnelle n'était pas au point. Et puis, mes idées s'étaient un peu écroulées. Donc, j'ai voulu reprendre mes études. Et j'ai laissé de Gazprom. Enfin, j'ai mis la distance avec la FASTI parce que je m'y retrouvais pas. J'étais pas accro du poste de dirigeant. Ça me convenait pas. Qu'on ait des instances pour se coordonner, réfléchir, ça me semblait totalement justifié, mais de là avoir un rôle, ça me paraissait... Enfin, c'est pas comme ça que fonctionne le Gazprom. Enfin, moi, je vivais dans le Gazprom, c'était pas ça. Mais bon. Et le GCR, ton entrée dans le GCR? Ben, en fait, c'est parce que j'ai appris qu'il y avait des formations. Eux aussi faisaient des formations. Et puis, à un moment donné, j'en ai fait une, moi, sur l'informatique. Et puis, bon, j'ai continué avec eux, quoi. J'ai oublié de te demander, tu exerçais quelle profession quand t'es arrivé La même que maintenant, programmeur. Dans le privé, dans le public? Non, dans le public. J'ai été maître auxiliaire à Fontainebleau, puis à Chelles, quand j'habitais à Melun. Et puis après, j'ai eu un concours. J'ai été nommé à Paris, évidemment, c'était un concours de centrale. Et entre-temps, comme j'avais pas de formation pratique, j'ai fait un CAP informatique par correspondance. Et j'avais voulu aller au lycée où j'étais pion la dernière année, parce qu'ils avaient un CAP informatique aussi, ou un brevet technicien informatique. Et en fait, je ne me suis pas occupé d'informatique là-bas. Et j'ai cherché un poste de programmeur, et puis j'ai passé plusieurs concours avec, il y avait option informatique. Puis celui des ministères des Finances, j'ai pas eu informatique, mais j'ai été pris sur liste d'attente, j'ai été embauché là-bas. Et après, j'ai refait une formation de programmeur à l'intérieur, qui était plus facile, parce que j'avais déjà étudié un certain nombre de trucs de base sur les algorithmes. D'accord, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, vas-y. On était au GCR qui faisait des formations. Le GCR faisait des formations, c'est pareil, c'était sur un week-end. Et c'était effectivement autogéré. Et donc là aussi, il y avait toute cette espèce de bain amical qui fait que il y avait des moments d'amitié après le Gazprom, après les réunions, ou des samedis avec Tarot, tout un tas de trucs comme ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai connu, entre autres, une des personnes que j'étais voir souvent dans la montagne l'été, qui était un ami qui est, bon, maintenant il a arrêté, mais qui était berger au-dessus de Barcelonnette. Et quelqu'un qui, à l'époque, avait une 4L et deux chiens. Il me rappelait des souvenirs des années 70. Et il vivait 4 mois et demi là-haut, quoi, 2000 mètres, quoi. C'est vrai qu'il y avait autour du Gazprom, ou dans le Gazprom, tout un réseau d'amitié qui fait que... là, c'est pareil, c'était... On laissait pas tomber les gens, quoi, quand ils allaient pas bien, quoi. On essayait de faire en sorte que... Soit venu aux permanences, soit on allait les voir, soit... Puis en même temps, il y a eu des amitiés fortes, et je me souviens d'un réveillon avec tous les gens qui n'avaient pas d'endroit où aller, qui était assez étonnant et assez surprenant, parce que on était, quoi, 5 ou 6 paumés, quoi, complètement paumés, puis, je dis paumés, c'est pour eux, qui n'avaient pas soit de compagne ou compagnon, et on a fini à minuit et demi en train de taper des casseroles dans la rue. Et certaines des casseroles ont gardé les marques très longtemps parce qu'elles tapaient comme des fous. Le Gazprom, c'était ça aussi, c'était un réseau d'amis. Hein. C'était... Puis après, donc du coup, de fil en aiguille, j'ai fait des fiches juridiques, on a fait des formations, et puis on a fait des réunions de la commission de séjour tous les mois chez moi, pendant très longtemps. Et ça s'est mal fini sur le fait qu'on a publié une brochure sur l'antiracisme où on mettait les points sur les i, sur... la montée de l'apartheid social, des idées fascisantes et l'évolution des lois. Et on a fait une brochure à part, et du coup, on avait, mis une voix dissidente. Oui, ça s'appelle xénophobie et antiracisme. Parce que pour nous, à l'époque, dès 95, il y avait xénophobie d'État. C'était très clair, vu la politique menée. Et c'était l'époque où la coordination nationale antifasciste, qui vient Rennes ou passe à Rennes, où ils étaient engagés, eux, sur la montée du fascisme et de l'anticapitalisme. Et que moi, petit à petit, j'ai été vers eux parce que la question de l'anticapitalisme était pour moi toujours fondamentale, même si je ne l'avais pas conscientisé comme ça. Et que de fil en aiguille, je sentais que j'étais impuissant dans le Gazprom, donc je trouve d'autres choses. Puis les conflits personnels ont fait que voilà, l'anti-autoritarisme est remonté très violemment. Le point d'orgue, ça a été une AG en 98 où avait voulu rameuter tout un tas de gens, et dans son projet de résolution, il y avait l'union de la gauche a priori. Et qu'on était un certain nombre à dire, nous on demande une modification dans le texte, nous voulons bien l'union de la gauche, mais au cas par cas, en étudiant la position de tout le monde. On a été mis en minorité 15 contre 60. Voilà, 98. Et la brochure, c'est 98. Oui, par là aussi. Par là aussi. Oui. Avec une partie des gens du réseau de Passarane. Parce qu'il y a des gens de l'intérieur de Passarane qui parlaient déjà de racisme différentialiste, d'apartheid social. Et d'analyse de la nouvelle droite, comment le discours de la nouvelle droite avait aidé les dominants à avoir un discours officiellement non raciste, mais raciste de fait, parce que c'est un racisme culturel. Ce qui deviendra la norme avec Sarkozy. Enfin, ça a mis du temps, mais maintenant, c'est une norme majoritaire. Du style, nous n'aurons pas les mêmes valeurs. Et dans le Gazprom, ce débat sur le racisme différentialiste, les gens ne pigeaient pas de quoi me causer. On a essayé de mener le débat, et bon, bref. Puis, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, il y avait des conflits de personnes sur la façon de fonctionner, qui, au fil du temps, ont été rédhibitoires. Il y a aussi le fait qu'on voulait, nous, toujours régulièrement, dès qu'il y avait des gens en lutte, style de la faim ou autre, que les gens fassent un collectif. Et on a fait, sans forcément que les gens importants dans l'espoir soient d'accord, on a fait des collectifs de sans-papiers. Deux fois, au moins. Voilà. C'était à l'époque, il y a eu une, bah, c'était à l'époque aussi de Saint-Bernard, hein. Un peu avant, un peu après. Hein. Donc là-dessus, on n'était pas, on n'avait rien innové, hein, simplement que le blocage était tel que, fallait trouver d'autres formes de lutte. T'évoquais lors de tes années, dans les années 70, le règlement des conflits personnels par des questions politiques. Oui. Est-ce que dans le cas du Gazprom, l'anticapitalisme était lui aussi une façon très théorique d'aborder les conflits personnels? Oui et non. Oui et non, parce que je ne peux pas dire que l'anticapitalisme était la base du Gazprom, donc du coup, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les modes d'organisation, entre autres, qui ont été, comment dire, le séparateur. Et la radicalité par rapport à la gauche. Donc, par derrière, effectivement, l'anticapitalisme, c'est vrai. Mais pas forcément directement. Donc, en gros, vous avez réglé vos conflits sur vraiment des questions strictement politiques, et non pas sur les problèmes personnels. Ah bah non. Mais ceci dit, moi je les ai réglés aussi sur les questions personnelles, parce que c'est en 96 que j'ai écrit « Comment devenir un bon dirigeant politique ». À 10 leçons. Tu fais référence à un certain nombre de groupes. Ce sont des groupes rencontrés dans un cadre particulier. Dans le cadre d'autres luttes. Oui, de tout un tas de luttes, oui, effectivement. C'était à la fois la lutte contre le chômage, la lutte contre la précarité qui commençait à pointer son nez, la lutte antifasciste. Comment on gère autant de luttes à la fois? On gère pas, on essaye d'être présent, c'est tout. C'est après coup qu'on essaye de comprendre les enjeux ou sur le moment quand il y a un conflit. Mais pour moi, il y avait une espèce d'unité entre tout ça. C'était l'évolution de la société, qui était à la fois xénophobe, qui deviendra ce qu'elle est aujourd'hui, et à la fois le capitalisme qui évoluait, à la fois nos outils d'analyse qui ne fonctionnaient pas, parce que ça, je l'ai dit très tôt, même si à l'époque, je ne voyais pas du tout comment retomber sur mes pieds. Et effectivement, et puis c'était l'attention au mouvement réel. C'est quoi un mouvement réel? Eh ben, les gens qui occupaient des lieux, par exemple. C'est à cette époque-là que ça a commencé. C'est aussi à cette époque-là qu'il y a des gens qui ont dit, il nous faut des... Même ça avait commencé avant, mais ça n'avait pas forcément réussi, mais qu'il nous faut des locaux, qu'il nous faut des endroits pour nous réunir, pour faire nos débats, etc., etc. C'est-à-dire qu'il fallait développer des outils indépendants par rapport à la mairie, par rapport à parce que on savait très bien que le mode de fonctionnement des RO, quand ils ne pouvaient pas instrumentaliser, ils jetaient. Donc il fallait absolument trouver des modes d'organisation et des lieux pour pouvoir être autonome. Et vous faisiez comment concrètement? D'abord, on utilisait tout ce qu'on pouvait comme lieu, dans le Gazprom, dans l'atelier déjà à cette époque, même si c'était pas aussi régulier que maintenant. Après, quand il y a eu la CNT, on s'est servi du statut de syndicat pour utiliser des salles de la mairie. Puis, avant, je me souviens plus, il y a eu la création du local. Oui, toutes ces luttes, c'est tout simplement parce que on est déjà sur... quand on est sollicité... Oui, puis il y avait toute la sollicitation des gens, soit qui étaient expulsés, soit... Oui, c'est ça ce que j'appelle le mouvement réel. C'est des gens qui essayent de se bagarrer pour survivre, quoi. Qui soient... il y avait aussi des fois du style Le Pen vient ou un pont du Front National vient, comment on fait pour s'y opposer, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme... Oui, il y a eu un collectif sans papier, effectivement. Et là, je connais ce Gazprom. D'ailleurs, là, je revenais au Gazprom parce que j'y allais plus souvent à l'époque. Mais j'étais encore membre, il me semble. Mais effectivement, on pouvait revenir au Gazprom parce que le collectif, je me souviens, un des collectifs, il se réunissait tous les vendredis après-midi et c'était assez nombreux, le Gazprom était plein. Après, là, ça enchaînait sur la permanence, hein, mais... puis qu'il y avait une espèce de porosité entre tous les mouvements, très clair. Il y avait une porosité entre les libertaires, les ex plus ou moins GCR, qui viendront nous passer à Rennes, certains, ou pas, quoi. Enfin, c'était pas les réseaux d'ateliers aussi. Ce qui deviendra après le local, ce qui deviendra après B17, tous ces trucs-là. Ce qui deviendra, oui, un groupe de nos passants assez important. Puis on était sollicité. C'est aussi ça. Il y avait notre attention aux luttes, mais il y avait aussi le fait qu'on était sollicité. Parce que les gens, ils avaient besoin de faire des tracts, ils avaient besoin de se réunir, enfin toutes les choses habituelles dans une lutte. Et effectivement, on était appelés assez souvent. C'était pas seulement un mouvement strictement subjectif, c'était aussi une réponse. Est-ce qu'il y avait toujours des séances de formation, comme ça, c'est un peu de façon formelle dans les années 70, informelle des uns chez les autres? Oui, il y a eu le GCR que j'ai connu, puis après, dans nos passarans, ça a été entre autres le camping d'été. J'ai tenté de le faire Université d'été La Fastille. Après, on en a fait à l'intérieur de La Fastille. J'étais plus au BN, mais j'en ai fait à l'intérieur de La Fastille. C'est aussi à l'époque où on avait créé le collectif Malgré Tout. Pour faire des débats. On avait fait venir Jean-Marie Brome, justement, Gustave Massia, Alain Bire, qui c'est qu'il y avait eu encore comment s'appelait André Michel, sur la lutte des FAP et la militarisation. Donc tous ces réseaux-là, tous ces gens-là se croisaient régulièrement. Parce qu'il y avait aussi le fait que, des fois, le Gazprom était membre d'un collectif du style... anti-expulsion ou d'un collectif de vigilance, enfin parce que ça c'était LDH, mais à l'époque LDH était quasiment pas présente. Oui, il y a eu plusieurs types de collectifs où on se croisait. Bon, après ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu par exemple en 96, 97, je sais plus exactement, il y a eu tout un tas de réunions pour le G7 à Lyon. Et là, ces réunions-là se faisaient au local, et on avait déjà créé la CNT en 95, fin 95. Donc, on participait à ce mouvement-là, et on a été à une grande manif à Lyon. Et là, il y avait à la fois des libertaires, quelques personnes du Gazprom. Ah oui, on avait quand même rempli un quart. Il y avait le CL, puis des gens du local un peu divers et variés. Oui, le quart était plein. Donc, on était aussi sollicité par les événements nationaux. Le quart était plein du fait des formations. Parce que nous, le collectif avait essayé de faire des publications, de faire des réunions et des débats plus ou moins publics. Et est-ce qu'il avait la même division du travail militant que dans les années 70, c'est-à-dire les petites mains, non, les cerveaux? Pas pareil. Même si de fait, il y avait un peu celle-là entre les organisés et les non-organisés, mais moi, à l'époque, je ne l'ai pas du tout vécu pareil. Je l'ai ressenti après, justement, quand j'ai été en difficulté dans le Gazprom et dans nos passants. Parce que, effectivement, petit à petit, nous-mêmes, on passait du côté des cerveaux et on voulait que ça soit le plus, comment dire ça, le plus partagé possible. Et puis on s'est heurté à plusieurs personnes qui, en fait, comme je l'ai mis dans les guilsons, voulaient absolument maintenir leur poste de chef. Et des gens qui ne voyaient pas le militantisme autrement qu'en ayant une place spéciale. Non, pas ça, il y a aussi eu des week-ends hein, où on faisait des, ce que tu dis, des formations ou des réflexions sur un point particulier. Mais ceci dit, bon, là, l'Opassara, lui, fonctionnait avec des coordinations nationales. Et ces coordinations fonctionnaient régulièrement, changeaient de ville, tous les deux mois à peu près. Donc les coordinations étaient toujours, comme dans tous les groupes nationaux, l'occasion de faire un point sur tous les endroits où on était, mais aussi de voir quelle campagne on menait, pourquoi, sur quelle base, et s'il y avait des débats, pourquoi, etc., quoi. Et je me souviens d'un débat sur, moi j'avais écrit un truc sur l'exclusion n'existe pas. Au sens où tout le monde a sa place, mais chacun a sa place. C'est-à-dire que quand tu es au bas de l'échelle, faut pas que tu cherches à changer de place. D'ailleurs, ce qu'on voit maintenant, hein, c'est-à-dire que il y a des exclus au sens classique du terme, mais pas au sens où tu as toujours une place. Mais si tu restes précaire, quoi. Voilà. Si tu contestes pas cette place-là, bah tu peux la garder. Moi, c'est pour ça, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'exclusion, on ne voulait pas parler d'SDF, donc ils trouvaient un mot exclu. C'était l'époque aussi donc où ils ont commencé à parler d'employabilité, de qu'on ne ferait pas le même travail toute notre vie, enfin que la crise du travail est devenue de plus en plus évidente, quoi. Il y a eu un bouquin qui avait eu beaucoup de débats, c'était le bouquin de Méda sur le travail, sur l'histoire du travail. Il y a eu des débats au local, il y a eu des débats à l'intérieur de Passaran. Il y a eu des débats sur l'antiracisme, je me souviens, j'en ai fait au moins deux au local. Parce que le local faisait des débats toutes les très très souvent. Donc ça, c'était des formations. Enfin, des formations ou des... l'occasion de... Ah, ils invitaient des gens, hein. Je me souviens d'avoir écouté Weserlang. Bon, à l'époque, il n'était pas aussi odieux qu'il l'est maintenant. Mais sur la notion les hommes violents, enfin, la façon dont il nous a transmis, c'était pas mal. Bon, même si maintenant, lui, il n'est pas forcément violent, mais il est sexiste. Parce qu'il a été mis en cause par les étudiantes. Par ses étudiantes. Bon, je me souviens de lui, mais il y a eu d'autres gens. Il y a eu la FA qui avait fait un gros truc sur la Coupe du Monde. 98. Là, t'es plus du tout dans le cadre ouvriériste. Non. C'est quoi alors maintenant? Ou est-ce que c'est toujours analysé de la même façon? Non, c'est-à-dire que l'ouvriérisme, c'était une vision, substantialiste du sujet révolutionnaire. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur une question du sujet qui s'engage sur la base du désir, et la base des liens et de la situation dans laquelle il est. Et aussi la critique de l'universalisme, parce que... l'universalisme et la modernité telle qu'on vivait, c'est-à-dire qu'on avait une théorie et on l'appliquait. Alors que bon, maintenant, on prend des outils là où on peut, partout, et on essaye de voir en situation ce qu'on peut faire. Enfin, quand les gens ont envie de faire quelque chose. Et, comment dire, on n'est pas dans la déduction d'un schéma comme pouvait l'être le marxisme. Même si je continue de penser que la division en classe sociale, la division entre statuts différents est fondamentale pour comprendre la société. Là-dessus, je n'ai pas changé. Et je ne suis pas d'accord avec certains membres d'Anar qui ne disent qu'il faut s'occuper que de la domination politique et qui laissent de côté l'exploitation. Pour moi, les deux vont ensemble. Bon, elles ne marchent pas au même pas, ne fonctionnent pas de la même façon, mais ça, j'ai gardé ça de mes anciennes années de marxiste. Même si je ne vais pas dire il faut penser comme ci ou comme ça, hein, c'est pas ça. Hein, c'est que je pense que... Et là-dessus, j'ai rencontré des gens comme René Berthier qui me donnent raison. On est d'accord là-dessus. C'est que, bon, Marx a été un très très mauvais politique, un connard au niveau organisationnel. Mais au niveau de son analyse de la plus-value, un chapeau, quoi. Il l'a trouvé, quoi. Il l'a fait, quoi. C'est là-dessus. Bon, j'ai lu ce qu'a écrit Berthier sur sa relation avec Proudhon, enfin Marx et Proudhon. Que si Marx n'avait pas jeté Proudhon, il aurait été beaucoup plus vite. Il aurait bien compris qu'il avait besoin d'un modèle. Il lui a fallu vachement longtemps pour arriver à écrire ce qu'il a fait. Mais au bout du compte, si on prend les deux approches, bah, se complète. Parce qu'effectivement, d'un côté, la propriété, c'est le vol. Et de l'autre côté, la source de richesse, c'est le travail. Et effectivement, on a toujours... même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus le travail intellectuel... Enfin, dans nos pays... C'est beaucoup plus le travail intellectuel qui est la source de richesse. mais c'est quand même toujours le travail. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire que ça naît comme ça, etc. Si je reviens un peu à une question un peu plus terre à terre. Oui. Dans les années 70, vous défiez votre acte aux ouvriers. Mmh. Aujourd'hui, c'est à qui? Ben, à tous ceux qui veulent les prendre. Ou des fois, on diffuse pas de tract. Ou on diffuse un tract lorsqu'on fait une action. Ou une manif. Et encore, on est beaucoup moins dans l'apparition au sens classique du terme. On est beaucoup plus dans une action à un moment donné, ben, on explique ce qu'on fait. Style refus de l'aéroport, style les précaires l'autre jour, là, qui se sont fait bastonner. Quand ils ont ouvert le lieu, ils ont distribué un tract pour expliquer ce qu'ils faisaient. Est-ce que les autorités ont très vite compris? Parce que là, c'était l'union entre les travailleurs sociaux, les squatteurs politiques, des militants politiques et des précaires à la rue. Alors là, si ça fonctionnait, il fallait arrêter ça tout de suite. Ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont profité que les CRS étaient particulièrement bouillants parce qu'ils avaient été 3 heures à faire le pied de grue pour protéger les anti-IVG. Et donc, quand ils les ont lâchés sur les précaires, c'était la lalie. Mais bon, non, je dis ça, c'est parce que simplement, justement, aujourd'hui, on n'est pas forcément en train de dire on va viser une population en particulier. Ça dépend beaucoup des situations, mais le tract est toujours là dans la mesure où c'est un tract soit qui essaye de convaincre, soit qui explique. Ou les deux. Ce qui est le cas dans la lutte sur l'aéroport. Parce que là, sur l'aéroport, on retrouve le capitalisme au sens où c'est le développement capitaliste, enfin c'est l'analyse du développement capitalisme qui est en cause, relayé par les élus locaux et nationaux. Et c'est bien le développement capitaliste qui est en cause. Et effectivement, il y a la façon dont ils manient le langage, la façon dont ils opèrent au niveau institutionnel, etc., etc. C'est beaucoup de composantes. Le tract, les brochures sont toujours aussi fondamentales. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'amis, régulièrement, on refait des brochures. Parce que je m'en suis aperçu cet été, là, j'étais au camp autogéré qui était fait à Notre-Dame, enfin dans la région de Notre-Dame. Et moi, j'avais proposé un débat sur l'évolution du capitalisme, ce sur quoi je travaille en ce moment, enfin depuis quelques années. Et j'ai vu que l'infokiosque, de la façon dont nous on le fait, enfin avec quelques amis dont certains sont avec moi à la radio, il les a surpris parce que il n'est pas, il mélange plusieurs domaines et il est des fois théorique, quoi. Enfin, il essaye de donner des armes théoriques. Et du coup, là, il y a des gens qui m'ont invité à Lyon et qui m'ont dit viens avec ton infokiosque. Parce que ça les avait intéressés d'avoir à la fois du style Jean-Pierre Garnier sur l'urbanisme, à la fois des gens qui parlent des OGM, à la fois Wendy Brougham sur l'évolution du libéralisme au niveau mondial, à la fois les politiques sécuritaires, comment on peut les comprendre, à la fois, comment il s'appelle, Thévenian sur l'omerta dans la police, c'est-à-dire comment les crimes racistes sont, comment ils sont justifiés, construits, etc. Et que lui, il a repris tout un tas de trucs pour dire, voilà. Parce qu'en fait, à l'origine, il y avait une jeune femme qui travaillait à Orly, à la PAF, et puis qui s'est rendue compte qu'elle avait affaire à des comportements racistes, et à la fois personnels et institutionnels. Et puis elle l'a dit, et puis elle s'est fait jeter, quoi. Et elle a écrit un bouquin, « Omerta dans la police P-O-I-C-E ». Et Thévenian, il y a eu des rencontres après, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de refaire des trucs, parce que régulièrement, il y avait des... Enfin, il y a toujours des gens qui, notamment en banlieue, qui se font tuer par la police, ou style renversé, Védier Lebel. Et donc, il y a eu des tentatives de faire, comme toujours, des fois ça demande du temps, ça tient plus ou moins longtemps, de rassemblements au niveau, entre autres régions parisiennes, sur tous ces gens qui meurent en lien avec des incidents avec la police. Et Thévenian, il a fait un texte que justement, Nadine à la radio nous a communiqué, et c'est vrai, il est intéressant, donc on l'a publié en brochure. Enfin, par exemple, c'est toutes sortes de trucs. Mais ça peut être aussi les trois écologies de Guattari, ça peut être des trucs sur Deleuze ou autre. Et ça, effectivement, d'habitude, dans les infokiosques militants, il n'y a pas ça. Et là, c'était intéressant parce que ce camp autogéré, il y avait des gens... moi, je connaissais pas trop les gens qui étaient là, je connaissais quasiment aucun. Et il y avait des gens d'un peu partout en France et de réseaux très, très différents. Et c'était un camp assez surprenant par moment, mais ça a relativement fonctionné avec des hauts et des bas. Et du coup, la discussion était intéressante parce que les gens, ils posaient des questions qui leur portaient à cœur au sens « mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ma place, comment je vois le monde, enfin, quel est le sens de tout ça, ou c'est bien joli la lutte, mais qu'est-ce qu'on fait hors du temps de la lutte, ou comment on arrive à coordonner les luttes, enfin, des questions qu'on se pose à chaque fois, bah, qui ont été posées au moment des retraites, qui sont posées tout le temps. Quelle est la place de l'Assemblée Générale dans le mouvement? Est-ce qu'il y a besoin d'un bureau qui soit pérenne et puis qui continue les... Enfin bref, tout un tas de trucs que moi j'ai entendu, y compris à la fac récemment. Où des gens qui ont participé à des tas d'AG se demandent de quelle attitude de avoir par rapport aux centrales syndicales, et notamment lorsqu'elles laissent les gens un peu libres, mais qu'elles sont toujours là pour prendre la main dès qu'il y a un problème. Et surtout apparaître. Enfin bref, c'est la situation d'aujourd'hui, quoi. Oui, l'évolution, elle a eu lieu sur, pour moi, sur le sujet révolutionnaire, entre autres. Bon, je le dis maintenant, parce qu'à l'époque, j'ai pas tout compris comme ça. Parce que nous, quand on a commencé, enfin, quand moi j'ai commencé, c'était la classe ouvrière, avec le progrès dans l'histoire, et l'histoire vécue par, enfin, délivrée par le marxisme, où il y avait une évolution style hegelienne, et on allait vers une société communiste à terme. L'enchaînement des conflits de classe allait amener à une crise du capitalisme, et les luttes aidant, on allait aller vers le socialisme. Et le communiste, la société sans classe. Bon, maintenant il y a tout le problème du socialisme réel, dont on ne peut pas échapper, on ne peut pas avoir un masque sur les yeux, c'est faux. Il y a aussi le fait que le capitalisme a beaucoup évolué, donc on s'est rendu compte que la vision qu'on avait, c'était un sujet lié à une classe sociale. Et la grosse difficulté, c'était comment la conscience arrive à cette classe sociale. Est-ce que c'est le parti d'avant-garde ou pas? Parce que c'était comme ça que c'était conçu. Bon, si on refuse cette notion où il y a des gens supérieurs à d'autres et qui disent aux autres ce qu'il faut faire, comment on fait? Bon, là, on n'a pas toujours de réponse. Et que, aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus un sujet compris sous l'angle de son propre mouvement, à la fois personnel et collectif, hein, parce que ça arrive quand même qu'il y ait des sujets collectifs, heureusement, même si on peut pas forcément le prédéterminer. Et là, c'est beaucoup plus lié à la situation et au désir des gens. C'est-à-dire que c'est de la force dans l'égalité, enfin, comment dire, pour l'égalité, la justice, pour toutes sortes de raisons, que ça démarre, ou de la solidarité, et puis que les gens se groupent, et après, bon, voilà. Un peu comme la lutte sur l'aéroport, même si par moment, elle est très très dispersée. Mais il y a quand même par moment des foyers de force qui se constituent et qui arrivent à faire des trucs intéressants. Bon, avec des hauts et des bas, mais...